Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine. Lettre B. Beurre. C'est une substance grasse, onctueuse, qui se forme de la crème de lait épaissie à force d'être battue. Tous les laits donnent du beurre. Le plus gras et le plus riche vient du lait de brebis. Ce furent les Scythes et les Phaoniens qui l'introduisirent en Grèce. Hippocrate ne parle que de celui des Scythes. Horace et Virgile parlent de fromage. Mais il ne parle pas de beurre. Werther a rendu le beurre poétique. C'est en voyant Charlotte faire des tartines pour les enfants qu'il prend cet amour fatal, qui se termine par un coup de pistolet. Goethe a raison, les enfants n'aiment rien tant que les tartines de beurre, si ce n'est les tartines de confiture. Dans quelques pays que j'ai voyagé, j'ai toujours eu du beurre frais du jour même. Je donne ma recette aux voyageurs. Elle est bien simple et en même temps immanquable. Partout où je pouvais me procurer du lait, soit de vache, soit de chamelle, soit de jument, soit de brebis, et particulièrement de brebis, je m'en procurais. J'emplissais une bouteille aux trois quarts, je la bouchais, je la suspendais au cou de mon cheval, et je laissais mon cheval faire le reste. En arrivant le soir, je cassais le goulot et je trouvais à l'intérieur un morceau de beurre gros comme le poing, qui s'était fait tout seul. En Afrique, au Caucase, en Sicile, en Espagne, cette méthode m'a toujours réussi. Plusieurs arbres fournissent une matière qui remplace le beurre chez les peuples où la fabrication du beurre est inconnue.